Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Anabda fi hadha al-yawm bi'idhnillahi jalla wa ala fi hadhihi ad-durus. On commence aujourd'hui ma'akum ces nouveaux durus et on demande à Allah azza wa jal at-tawfiq wa al-i'ana wa al-sadad. Et ce premier livre qu'on a choisi, c'est Sharh Lamiyati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, une poésie sur la croyance des salafs. Fahad al-ilm, étudier la croyance des salafs, c'est min ajalli al-ulum. Falihada al-muslim, il doit donner de l'importance à ce genre de livre qui traite de l'aqida, la croyance des salafs. Étudier cette aqida, c'est muhim jiddan. L'istiqama, la droiture du muslim, c'est par rapport à sa aqida. Celui qui a une bonne aqida, sa croyance elle est fondée sur les textes, al-kitab, al-sunnah, ala fahmi salaf, avec la compréhension des salaf, fa incha'Allah, yurja lahu al-khayr, wa al-istifada min ilmih, wa amalih. Donc, chacun de nous, on doit faire des efforts fi hadha al-bab al-azim, apprendre cette aqida. C'est pas mina al-hikma de délaisser cet apprentissage et perdre son temps dans des choses inutiles, que ça soit des choses fi dunya, et ça prend tout notre temps et on peut plus apprendre cette croyance alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour ça. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Et pour que cette ibada soit acceptée, il faut qu'elle soit fondée sur un mu'taqad sahih, al-tawhid. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, ne pas perdre son temps dans des choses qui sont moins importantes que cette aqid. Minan nas, sinin, et Robama il prétend étudier hadha al-ilm, et il ne connaît pas encore l'aqid. Enfin, chaque chose a sa place. Pour comprendre cette aqida, bien sûr, tu auras besoin de d'autres ulum. Wa min ahum, hadhihi al-ulum al-lugha al-arabiyya. Faire des efforts dans la langue arabe pour pouvoir comprendre kalam ahl al-ilm, pouvoir profiter de ahl al-ilm, et des savants de la sunna directement. Celui qui peut en assistant aux assises de ahl al-ilm directement, et s'il peut pas, que ce soit leurs livres, que ce soit leurs durus, leurs audios, les contacter bien sûr. Toujours en restant en contact avec Ahl al-ilm. Et ça c'est min al-jihad fi al-haqiqa fi hadha al-zaman. Celui qui donne du temps pour apprendre sa aqida et il fait des efforts. Fahada fi al-haqiqa il est fi jihad. Talab al-ilm c'est min al-jihad fi sabilillah. Et beaucoup de fitan que tu vois l'un, que tu entends, c'est par rapport à khalalun fil aqid. Il y a des faiblesses, il y a des choses qui ne sont pas acquises, des doutes dans cette aqid. C'est pour ça que tu entends et tu vois certains s'égarer, iyadam billah, ou certains douter. Kadhalik, talibul ilm, celui qui veut comprendre cette aqid, il doit avoir une méthodologie. Il ne doit pas lire tout, essayer de tout comprendre d'un coup, ou étudier un livre qui est trop compliqué pour son niveau. Là, le débutant, il commence par le début. Et parmi les rasa'il qui sont nafi'a pour le débutant fi hadha al-bab, cette risala qu'on a choisie, l'amiya, les cheikh al-islam, une poésie très courte, il t'explique, alayhi rahmatullah, aqidat al-salaf, avec quelques vers de poésie, 16 exactement, et chaque vers il termine par la lettre Al-Lam. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Al-Lamiyya, ça vient de Al-Lam. Chaque bayt qu'on va lire, Al-Bayt c'est un vers de poésie, Chaque bayt, vous verrez qu'il termine par harf ou lam. Wa hakadha an-nuni ya ibn al-qayyim, chaque vers il termine par la lettre noun. Falihadha ahlu al-'ilm, ils appellent ce genre de poésie na'am avec la dernière lettre de chaque vers. Lamiya, nuniya, al-mimiya ila akhirih. هذه القصيدة ستبويزي نسبت إلى شيخ الإسلام أي أنه في الحقيقة خلاف بين أهل العلم est-ce que c'est vraiment شيخ الإسلام qui a écrit cette poésie أم لا فمنهم certains savants ils sont d'avis أن cette poésie c'est vraiment شيخ الإسلام qui l'a écrite et d'autres يقولون أنها c'est pas شيخ الإسلام qui a écrit cette poésie وفي الحقيقة الأمر سهل. Les ulama ils l'ont expliqué, ils ont démontré anna cette poésie, elle l'expliquait la voix des salafs dans la croyance, et que ça soit Cheikh al-Islam ou un autre, ça fait le haqiqa, il n'y a aucun mal. Wa mimman athbataha li Cheikh al-Islam, al-Allama Ahmed ibn Abdullah al-Mardawi al-Hanbali, rahimahullah. Et il a écrit un sharh kadhalik. والآلوسي رحمه الله كذلك في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين il a démontré أنها l'auteur c'est vraiment شيخ الإسلام والله تعالى أعلم. On conseille nos frères كذلك ceux qui assistent avec nous ici ou ceux qui nous écoutent, on conseille à tout le monde de l'apprendre par cœur. لأن العلم c'est الحفظ فهذه هي المنظومة. Cette poésie, très simple, très facile à apprendre, c'est quelques vers, elle t'aidera, ayyuha talib, surtout au départ, de mémoriser, de comprendre le masail. Et al-hifz, ça aide. Belle, c'est la base, fil ilm. Bien sûr, avec l'ikhlas et al-amal, la sincérité, et appliquer ce qu'on apprend, fal-hifz, huwa al-ilm, kama yaqul ba'du al-ulama. Donc on fait des efforts fi al-hifz. Lakin pour apprendre par cœur, il faut du temps. Il faut faire des efforts. Il faut réviser. Il faut être régulier. Il faut s'écarter des choses inutiles. Et c'est ça l'ilm, fil haqiqa. Al-ulama, il donnait beaucoup d'importance à l'hifz. Et nous, à notre niveau, c'est le minimum. Apprendre al-lamiya, apprendre al-bayquniya, apprendre kitab al-tawhid, apprendre al-waqid al-islam, apprendre al-arba'in nawawiya. Hada, fil haqiqa, c'est le minimum. Le minimum d'abord des hadiths, des versets du Coran mémorisés, hatta tu peux fonder hadha al-ilm ou les autres durus sur cette base. Et on a expliqué kathiran hadha dans plusieurs durus. Fal-inaya al-inaya bil-hifz. On fait des efforts fil-hifz. Et celui qui est motivé, fa inshaAllah, à chaque début de dors, il récite le vers qu'on a étudié ensemble ou qu'on lira. Comme on fait, walillahi alhamd, dans nos durus. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiq fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Dans ses premiers vers, Cheikh al-Islam il cite pourquoi il a écrit cette poésie. لأن واحد il lui a posé la question يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. Et واحد il lui a demandé sur son madhhab, la voie qui suit, et sa aqida, sa croyance. ثم شيخ الإسلام il va lui répondre sous forme de plusieurs vers, une poésie qu'ils ont appelée اللامية. Et on va lire شرح أخينا الشيخ أبي عبد الله محمد ابن حزام البعداني حفظه الله تعالى ورعاه. Il a écrit un sharh tayyib, mukhtasar, et il a rajouté kadhalik à la fin des masail que Cheikh al-Islam, des abouab que Cheikh al-Islam il a pas cité, comme l'obéissance au gouverneur, comme l'iman, comme al-shafa'a. Hada al-sharh il est, ma'a akhtisarihi, il est tayyib. Kadhalik il cite des fawa'id par rapport au sujet que Cheikh al-Islam il traite, que ce soit sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur le haut, que ce soit le mizan. Inch'Allah, on lira ensemble min hada al-sharh al-tayyib. Qala Cheikh al-Islam, on répète le premier vers. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu. قال الشيخ محمد حفظه الله قوله مذهبي قال ابن منظور رحمه الله ابن منظور il a un célèbre livre لسان العرب et c'est une référence dans la langue arabe. C'est comme un dictionnaire et il explique les mots. Il donne la racine du mot matalan huna. Al madhhab ça vient de zahaba. Thumma après avoir cité la racine, il cite plusieurs mots qui ont été tirés de cette racine et il donne le sens à chaque fois. Lakin il est un peu il est compliqué pour les débutants. قال ابن منظور رحمه الله والمذهب هو المعتقد الذي يذهب إليه. C'est ça le madhhab. C'est la voie, la croyance d'une personne. Et Al-An, ils emploient le mot madhhab كذلك pour les avis de fiqh. Matalan, tous les avis de l'imam Malik, la voie de l'imam Malik, sa compréhension, son ijtihad, madhhab al-imam Malik. وهكذا les autres a'imma madhhab l'imam Ahmad ila akhiri. قال وقوله وعقيدتي donc madhhabi on peut traduire par la voie. قال قوله وعقيدتي مصدر اعتقد كذا اذا اتخذه عقيده له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان الله به العقيده ça vient de كما قال مصدر اعتقد بمعنى عقد عليه العقده c'est un nœud. Ils ont appelé l'aqida, c'est comme si dans ce cœur il y avait un nœud, quelque chose de ferme. فَلِهَذَا قَالُوا الْعَقِيدَ C'est la croyance de la personne, ce qu'il y a dans son cœur, comme iman. L'iman bi asma'illah, bi sifatih, bi uluhiyatihi, bi rububiyatih, l'iman bi rusul, sa croyance au messager. Et plein d'autres points que Cheikh l'Islam il va résumer dans cette poésie. وأصله من عقد البيع ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم وقد يكون الاعتقاد في الحق أو في الباطل فائدة أن العقيدة elle peut être authentique si elle est fondée sur le kitab et la sunna avec la compréhension des salaf العقيدة الصحيحة on l'appelle كذلك العقيدة السلفية أو عقيدة السلف أو عقيدة أهل السنة أو عقيدة أهل الأثر عقيدة أهل الحديث C'est une aqidah, c'est la même. لأن السلف, c'est أهل الحديث. أهل الحديث, c'est أهل الأثر. Et كذلك, c'est أهل السنة. المهم, أن العقيدة, si elle est fondée sur les preuves, les textes, الكتاب, والسنة على فهم السلف, ça sera une aqidah صحيحة. Aqidah السلف. Et elle peut être باطلة. كعقيدة النصارى. مثلا, les chrétiens, ils ont une aqidah, ils ont une croyance. أن عيسى, c'est le fils d'Allah. عز وجل. Et c'est du kufr billah. Aqidah batila. Al-Yahoud, ils ont une aqidah. Al-Jahmiya, ils ont une aqidah. Ils ont nié les noms et les attributs d'Allah, عز وجل. Al-Ash'ari, ils ont une aqidah. Elle est basée sur le tahrif, في الصفات. Ou في كثير منها. Tout ça, c'est des aqaïd batila. Et al-aqidah batila, ça peut être une aqidah kufriya. C'est du kufr. Ka'aqidah al-Nasara, aqidah al-Jahmiya. Ka'aqidah al-Rafidha. Min aqidatihim, akhzahum Allah. أي parmi les croyances des rawafid al-shi'a أنهم يعتقدون كفر الصحابة أو أكثر الصحابة pour eux الصحابة c'est des كفار عياذا بالله كذلك طعن في القرآن طعن في الله طعن في الرسول طعن في الدين هؤلاء c'est leur عقيدة les fondée sur le كفر عقيدة كفرية et il y a des عقائد عقائد c'est le pluriel de عقيدة مبتدع c'est pas du كفر لكن c'est de l'égarement كعقيدة الأشاعرة وعقيدة كثير من أهل البدع والضلال قوله رزق الهدى من للهداية يسأل قال الشيخ محمد الشارح حفظه الله الرزق نوعا donc après avoir expliqué المذهب والعقيدة donc on résume avant de passer à la suite du vers de poésie Cheikh l'Islam, ils lui ont demandé sur son madhab et sa aqida. Et la voie qui suit, et c'est quoi sa croyance. On utilise beaucoup le mot à notre époque, al-manhaj, kadhalik. Et sa voie, sa aqida. Madhabuhu wa aqidatuh. Avant de répondre, qala ruziq al-huda man lil-hidayati yas'alu. Et ça, c'est important. Celui qui veut le khayr, celui qui veut le haq, celui qui veut le huda, il demande. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. رزق الهدى من للهداية يسأل. Donc celui qui veut le haq, il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts pour trouver ce haq, pour le rechercher. Et le meilleur moyen pour comprendre ce haq, cette vérité, connaître ta aqida, c'est revenir aux gens de science. Al-hadar min ar-rukun ila ahli al-bid'a wal-dhalal wal-majhoulin. Faire attention à ça. Ba'dhum prétend vouloir le haq et il côtoie ahli al-bid'a ou il côtoie des juhal qui ne connaissent pas leur dîn. Comment ils vont expliquer aux gens le dîn? Eux-mêmes ils ne comprennent pas le dîn, l'aqida sahiha. Celui qui veut le khayr, qui veut le huda, il revient à ahl al-huda, ahl al-ilm, ceux qui ont fait des efforts avant nous, qui ont compris ce dîn mieux que nous, qui ont fait des efforts plus que nous, inshallah ta'ala, ça sera une cause pour que tu comprennes ce haq. Tout ça, bien sûr, avec at-tawfiq. Talib al-ilm, quand il commence un cours, quand il ne comprend pas une mas'ala, quand il sent qu'il a du mal, il revient à Allah Azza wa Jal. Ruziq al-huda min lil-hidayati yas'alu. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Il revient à Ahl al-ilm. Et كذلك, avant de revenir à Ahl al-ilm, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ruziq al-huda min lil-hidayati yas'alu. Nous avons cité la cause à y revenir à Ahl al-ilm et leur demander. Et avant cette cause, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Innaka la tahdi man ahbabt. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Ahyanan, tu trouves deux personnes, ils font les mêmes efforts, ils ont le même niveau, taqriban, fil ilm, et wahed, il comprend. Et sa parole, elle coïncide avec le haq, et un autre, il se trompe. Pourtant, les deux, ils sont sincères. At-tawfiq, c'est min Allah. Alihada, da'iman, on revient à Allah Azza wa Jal. Ces cours, cette aqida, ce manhaj, c'est du din. Enfin, on doit se comporter avec des comportements qui sont cités dans le Coran ou dans le Sunna. Wa min a'zam al-akhlaq, parmi les meilleurs comportements qu'on doit se forcer à avoir, c'est le tawakkul ala Allah. Et revenir à Allah Azza wa Jal. Fi kulli shay. Wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin. Tu dois revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre les portes, Inch'Allah il comprendra. Il mettra en application. Allah il lui facilitera. Et celui, bil'aks, au contraire, Allah il lui ouvre pas les portes. Il y a une cause. Allah il est juste, azza wa jal. Il n'y arrivera pas. Même s'il comprend, même s'il a compris, il n'applique pas. Et ce ilm, ça devient une hujja contre lui. رزق الهدى من للهداية يسأل. فأون demande à Allah سبحانه وتعالى الهداية. On demande à Allah سبحانه وتعالى qui nous facilite, qui nous donne la sincérité, qui nous facilite كذلك à appliquer et à être sincère. قال الرزق نوعان. الرزق أي ce que Allah سبحانه وتعالى il donne. Il se divise en deux. رزق عام وهو مطلق الرزق. Un رزق عام. Et tout le monde en profite. قال وهو كرزق الله عز وجل الناس الهوى. هذا الهوى. Cette terre que tu respires, c'est من رزق الله عز وجل. Et tout le monde en profite. المؤمن الكافر les animaux. الصالح الطالح العالم الجاهل. Tout le monde profite de ce risque. والأكل والشرب كذلك. المسلم il boit, il mange. Et le kafir il boit et il mange. Tout ça c'est من رزق الله. Qui c'est qu'a donné à ces êtres vivants cette boisson, cette nourriture, c'est Allah Azza wa Jal. وهذا يشمل الكافر والمسلم والدواب والطير. قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Et الدابة هنا c'est tout ce qui marche sur terre, tout ce qui est sur terre. Ça englobe الدواب, et les animaux. Il y en a le mot دابة, un دواب, beaucoup il est appliqué pour les animaux. كذلك ça implique les êtres humains. Al-Muhim, ce verset Saint-Dalil, il en a tout. Ce risque, que ce soit l'air, la boisson, la nourriture et autres, tout ça c'est min Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala, amman yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard. A ilahum ma'allah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. قال الشاهد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. Donc celui qui donne ce risque, c'est Allah سبحانه وتعالى. Donc le premier risque, risque عام. Le deuxième, قال risque خاص. Un risque il est spécifique à certaines personnes. C'est pas tout le monde qui en profite. وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة. رزق, cette personne, elle en profitera في الدنيا et في الدين et في الآخرة. Ça peut être des choses par rapport à الدنيا, la bonne santé, etc. Et ça peut être العلم. Ça peut être des choses par rapport au din. ويشمل رزق القلوب بالعلم والإيمان. Et ça, c'est أعظم رزق. Et c'est celui-là que nous, on doit faire des efforts. On doit faire les asbab pour l'avoir. Et on doit demander à Allah Azza wa Jal kathiran. Rizqul ilm. L'ilm, c'est rizqul min rizqillahi Azza wa Jal. La mémorisation, l'application, la compréhension, être régulier, être sincère, être patient. Tout ça, on demande à Allah Azza wa Jal. Wa rizqul abdan bil rizqil halal. Kadhalik. Et ça, c'est important. Rizqul halal. Il y en a كثير من الناس, ils ont du risque, et c'est من رزق الله عز وجل, mais il n'est pas halal. Ils l'ont eu d'un moyen qui n'est pas légiféré. فنحن on fait des efforts في الرزق الحلال. ومنه ما جاء في صحيح مسلم عن طارق ابن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل يعلمه الصلاة ويأمره بهذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم, quand une personne elle rentrait في الدين, à son époque, il lui apprenait à faire الصلاة. كذلك, il lui apprenait à réciter ces quelques mots qu'on va lire الآن. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. Celui qui médite sur ce zikr, qui est très court, fa fil haqiqa kama qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe khair ad-dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li warhamni. Chacun de nous, il fait des péchés. Chacun de nous, il fait des fautes. Chacun de nous, il se trompe. Chacun de nous, il a des manquements. Fa il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-maghfira wa ar-rahma. Bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le ghafour, c'est le rahim. Donc ça va t'aider à compenser les manquements et les erreurs que tu as fait. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Allahumma ghafir li warhamni. Wahdini wa afini. Kadhalik al-hidayah, t'en as besoin. T'en as besoin pour appliquer. T'en as besoin pour comprendre. T'en as besoin pour ne pas t'égarer. Quel minan nas, ils pensent faire al-khair alors qu'ils sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été guidés. Et il y a une cause. Nahnu, on demande à Allah azza wa jal al-hidayah. Wa afini. La bonne santé. Al-afiyah. Que ça soit les maladies qui touchent le corps ou le cœur. Ka al-riya wal-iyadu billah, al-shirk, al-ghurur, al-kibr. Tout ça, c'est des maladies. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. L'orgueil, ne pas être sincère, faire pour les gens, ne pas être modeste, vouloir toujours avoir raison, s'entêter, iyadu billah. Tout ça, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Kadhalik al-afia min maradi al-abdan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik la bonne santé. Qui nous préserve des maladies. Qala warzuqni. On demande à Allah le risque. Et le risque qu'on va demander, fil haqiqa, c'est le deuxième. Amma le premier, nashkur Allah subhanahu wa ta'ala alayhi. L'air qu'on respire, les nourritures qu'on mange, qu'on boit, tout ça. Nashkur, on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fait des efforts dans la demande sur le deuxième, akthar. An Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne al-ilm, al-nafi' wal-amal, al-salih wal-rizq al-tayyib. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا كما جاء في الدعاء. قال والمراد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو هذا القسم الثاني, أعني قوله رزق الهدى من للهداية يسأل, أي celui qui demande الهدى فالله سبحانه وتعالى il lui donne. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, demandez-moi et je vous donne. On demande, n'oublie pas fi sujoudik, n'oublie pas fi vein al-adhan wal-iqama fi akhir al-layl, yawm al-jum'ah, ba'd al-asr, qabla al-maghrib, tous ces moments, fi safarik, fi maradik, si tu subis une injustice, n'oublie pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce risque, al-hidayah, al-ilm, al-amal, al-risq al-tayyib, n'oublie pas ça. Le fruit de tous ces a'mal, al-jannah, الفردوس. قال وينبغي للعبد إذا دعا الله أن يرزقه أن يستحضر في قلبه هذا القسم الثاني. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala un risque, on ne doit pas penser qu'au risque aille manger, boire. Là, ça c'est permis, c'est légiféré de demander à Allah azza wa jalla un risque al-tayyib, un risque al-halal. Lakin demande le risque qui est utile. Et anna rubbama, beaucoup de, un certain confort, beaucoup de nourriture, beaucoup d'argent, rubbama c'est une cause d'égarement et de rafla. Et ça t'éloigne de ton dîn. Demande toujours ce qui est profitable. Demande pas, tu vois que le nombre, la quantité. Là, demande ce qui est profitable. Rubbama, pour toi, si tu as beaucoup d'argent, si les portes elles te sont ouvertes, fit dunya, rubbama, c'est une cause d'égarement. Tu oublieras. Et c'est le cas de beaucoup. Anahum il s'égare à cause de dunya. Fait, demande à Allah ce qui était profitable. Amma al-ilm, demande. Wa qul rabbi zidni ilma. La seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, ay al-izdiyadu min, c'est l'ilm. Tu ne trouveras pas un nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait beaucoup de dunya. Abadan. Fait, l'ilm demande beaucoup. Wa l'amal al-salih demande beaucoup. Wa l'huda kadhalik. Amma al-dunya demande ce qui est profitable. Les anna, ça peut devenir une fitna. Thumma, il a cité les références. Sharh al-Nouniya, l'Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Lakin, il n'a pas cité le sharh de qui? Wa sharh Khalil al-Harras, sharh al-Nouniya. Il a cité, sharh al-Nouniya est de Khalil al-Harras, al-Allama, rahmatullah alayhi. Wa sharh al-Nouniya de Ahmed ibn Isa, et c'est min afdal shuruh al-Nouniya. Nouniya, c'est une qasida tayyiba jiddan. C'est une poésie de Ibn al-Qayyim fil aqida, fil aqida salafiyya, lakin elle est beaucoup plus longue que hadi, c'est des milliers de vers. Et c'est un fondement dans aqida tahl sunna wal jama'a. Il cite une deuxième faïda, après avoir cité le risque et se divise en deux, risqu'un am, et un risque qui est global, que ce soit pour les êtres humains, pour les animaux, pour le kafir, pour le musulman. Et un risque khas, c'est spécifique pour certaines personnes. Et c'est ce qui est utile pour dunya ou akhirat. Dans le dunya et fil akhirat, tu profiteras. Quel ilm, la guider, etc. Al-an, il va citer an al-hidaya. Il y a quatre catégories de guider. Les anna shaykh al-islam qa ruziq al-huda man lil-hidayati yas'alu. Et celui qui demande la guider, il sera guidé bi-idhnillahi azza wa jal. Al-qism al-awwal, la première catégorie, هداية التوفيق للإيمان والأعمال الصالحة. Cette guidée, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te la donner. هداية التوفيق للإيمان. أي, il te guide pour que tu puisses croire, accepter l'islam, accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te guide subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses appliquer. ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وقوله يضل من يشاء. Ça c'est Allah qui guide. Cette guidée, ay, que l'iman y rentre dans le cœur de cette personne, et كذلك Allah il égare qui y veut. Donc cette guidée elle est biyadillah. Cette guidée tu la demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et في الحقيقة on la demande chaque jour. كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide. Il nous guide sur la voie de ces messagers, ceux qui les ont suivis, bi-ihsan. Deuxième catégorie, hidayatu ad-dalala wal-bayan. C'est le fait de montrer la guidée. Hidayatu ad-dalala wal-bayan. Al-bayan, c'est montrer. Ad-dalala, ça vient de dalil, avec les preuves. Wa minhu qawluhu ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à sa umma, il a montré à toute l'humanité al-haq. Là, c'est une forme de guidée. كذلك les héritiers des prophètes, al-ulama, ils montrent at-tawhid, ils mettent en garde contre shirk, ils montrent sunnah, ils mettent en garde contre le bid'a wa hakada. Donc hadi c'est ahlul ilm, al-anbiya wa ar-rusul, et ahlul ilm qui suivent leur pas. La troisième, al-hidayatul 'amma wa hiya hidayatul khalaiq ila masalihha. ومنه قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقوله والذي قدر فهدى. هذه c'est Allah subhanahu wa ta'ala il guide toutes ses créatures. Allah guide les animaux pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent boire, et leur facilite leur risque. Tout ça, c'est une guidée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, il guide l'être humain. Annahu, il fait des choses qui lui sont profitables, il s'écarte des choses qui peuvent lui nuire. Tout ça, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatun am. On ne parle pas de hidayah fi din. Ils vont croire ou ils ne vont pas croire. Là, am. La quatrième et la dernière. Hidayatu ahli al-jannah ila al-jannah wa ahli al-nar ila al-nar. كذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقدر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قال تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الله سبحانه وتعالى les a guidés في الدنيا أي بالأعمال الصالحة وفقهم ils ont appliqué ils ont fait les causes et يوم القيامة il les guidera jusqu'à ce qu'ils rentrent في الجنة المؤمن Il a sept caractéristiques qui sont citées dans ce verset. Al-shukr, wal-hamd, waqalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada. Ne crois pas que ton acceptation de l'islam, c'est grâce à ton intelligence ou à tes efforts. Là, bien sûr, on croit aux causes. Mais le principal, c'est an Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui veut. Daiman, on pense à être reconnaissant. Alhamd wa shukr. Que ce soit avec la langue, avec le cœur ou avec les actes. قال وقال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقال تعالى عن أهل النار كذلك أهل النار seront guidés إلى النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم guidés, ils sont guidés pour aller إلى جهنم عياذا بالله فلا تغتر لا تغتر بهؤلاء بالكفرة أنهم يزون فعل أنهم يبون فعل لا تغتر ils sont guidés et leur أعمال c'est pour aller في النار pourquoi لأنهم ils n'ont pas voulu croire ils n'ont pas voulu se soumettre فالله سبحانه وتعالى il guide pas les injustes احمد الله أن الله سبحانه وتعالى il a fait de toi un مؤمن sois reconnaissant قال حفظه الله ذكر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد ثم il a cité une faïda sous forme de question et on termine le dars avec هذا هل يطلق على ما يكتسبه العبد من الحرام كالربا والسرقة ونحو ذلك رزق est-ce que les choses haram مثلا الربا l'usure السرقة le vol est-ce qu'on peut appeler ça رزق قال نعم يطلق عليه c'est رزق تستفيد من هذا أن الرزق منه حلال ومنه غير حلال لأن si on dit que c'est pas من رزق الله عز وجل ça veut dire que c'est un autre que Allah سبحانه وتعالى qui donne هذا لا يجوز celui qui donne c'est Allah سبحانه وتعالى لكن بعض الناس ils prennent ce risque ou ils essayent d'acquérir ce risque d'une façon légiférée رزق حلال et بعضهم d'une façon qui n'est pas légiférée رزق حرام أو هذا سي الطلب الحقيقة الرزق سي لاشوز المن مثلا الالكول البور تو سا سي حرام كو تو تسي دو لاكيغيغ اونيتمون أو با اونيتمون سي حرام سي حرام لكن سي ان رزق كي با حلال الآن سي اون دوموند كي سي كاكخي الالكول البور سي الله سبحانه وتعالى لكن سو رزق سي ان ابتلاء سي ان فتنة بوغ العباد فالرزق منه ما هو حلال منه ما هو حرام أي أن لويمام مثلا لو سان رزق حلال لالكول سان رزق حرام كذلك لو رزق حلال يا اون فاصون ليجيفيري بور لاكيغيغ دونك لو طلب لا دوموند دو سو رزق سا سوغا في دو فاصون حلال أي اون دوموند والعياذ بالله كي حرام كوم لو فول قال ثم نعم يطلق عليه والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فمفهوم الآية أنه لا يجوز الأكل مما رزقهم الله من الخبائث قوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم أي manger des choses pures, des choses bonnes qu'on vous a donné ça montre qu'il y a des choses, elles ne sont pas pures, elles ne sont pas bonnes مثلا l'usure مثلا الالكول مثلا la viande de porc وهكذا les choses haram ça montre que الرزق منه حلال ومنه غير حلال قال ويكون المراد بالرزق هذا النوع الأول وهو الرزق العام ومطلق الرزق والله أعلم. انظر المصدر السابق ابن القيم إلى ديتاي هذا في بدائع الفوائد. Vous rappelez que dans le رزق on avait cité رزق عام. رزق عام s'englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné. Et parmi ces choses, il y a des choses, c'est haram. Qad yaqul qa'il, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a créé ces choses? L'ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve l'ibad. Mathalan, toutes les boissons elles sont halal sauf cette boisson qui est haram. Et c'est Allah qui l'a créée. C'est min rizqillah. Azza wa jalla. Et Allah il éprouve l'ibad. Est-ce qu'il va être reconnaissant et profiter de la ni'ma d'Allah Azza wa jalla? Et l'eau, les jus de fruits, etc. Et délaisser ce haram? Ou cette seule boisson qui est interdite, il va quand même la vouloir. Et ça, ça montre qu'il n'est pas reconnaissant. C'est une fitna lil'ibad. وهكذا pour les viandes, la même chose, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. قوله من للهداية يسأل فيه أنه ينبغي لكل مسلم إذا سأل أهل العلم أن يكون مراده طلب الفائدة والعلم لا مجرد طلب الرخص أو ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et ça c'est une فائدة طيبة. شيخ الإسلام يقول رزق الهدى من للهداية يسأل. Quand on demande aux gens de science, on demande al-huda. On ne demande pas ce qui nous arrange, nous. C'est pour ça que Cheikh Huna, Hafidahullah, il fait une nasiha. يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِمِ إِذَا سَأَلَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاللَّهِ الْحَمْدُ. On avait traité ce sujet, comment poser ces questions aux savants. On avait traité dans une kalima. Et Huna, c'est un résumé طيب. L'intention, ta niya, c'est talab al-fa'ida wal-ilm. C'est de vouloir al-haq. De vouloir appliquer. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ ils ont une maladie et ils demandent à أَهْلِ الْعِلْمِ pour appuyer son avis à lui. Ou pour faire du tort à un autre injustement. Ou pour des facilités. مثلاً, il sait que tel savant, il a mentionné que cette chose elle est haram avec des preuves, il cherche un autre savant. Pourquoi? Pas pour avoir le haq, non. Pour avoir une fatwa qui lui autorise et il l'applique. Si quelqu'un le conseille, il dit, mais Cheikh Fulan il a dit. Ton but, ça doit être les hidayah. Ton but, ça ne doit pas être de te montrer ou de te justifier vers les autres. Là, al-haq, c'est al-haq, celui qui est d'accord. Alhamdulillah, celui qui n'est pas d'accord, il ne te fait aucun mal, il se fait du mal qu'à lui-même. فَيَنْبَغِي قَالِ إِذَا سَأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ طَلَبُ الْفَائِدَ وَالْعِلْمِ لَا مُجَرَدْ طَلَبُ الرُّخَصْ وَضَرَبْ كَلَامَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَذَلِكَ أَنَّهُ si tu lui cites un savant avec la preuve, il cite un autre savant. Pas parce qu'il veut la vérité, là, et pour contrer la parole du premier savant. On doit respecter les savants et respecter le haq. Et si tel savant il a le haq et t'es convaincu, il a cité une preuve, prends sa parole. Mais essayer de trouver un autre pour le contrer et se justifier, ça c'est min maslaki ahli al-ahwa. C'est pas min tariqati ahli al-sunnah. Abadan. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على المنع من تتبع الرخص والأخذ بها يوافق الهوى والغرض من أقوال العلماء. انظر جامع بين العلم وفضله. الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه dans son célèbre livre جامع بين العلم وفضله, un livre qui ils ont appris en deux volumes qui traite le sujet de l'ilm et il traite cette mas'ala. Il a rapporté l'unanimité des savants que c'est haram. De demander aux savants pourquoi tatabbu'an lirrukhas. Il sait très bien que ce n'est pas permis, mais il veut la fatwa d'un savant pour penser que ça va lui être utile. Annahu, tel savant, il a dit c'est bon, c'est permis, donc c'est permis. Alors que Rupama, la preuve lui est parvenue. Le savant, il n'est pas infaillible. Là, le savant, il peut se tromper. Falihada nahnu, notre demande, notre intention, c'est le haq. Et si ce savant il se trompe, on l'aime fillah, lakin on ne prend pas une chose qui contredit al-kitab ou al-sunnah. Ce savant, si c'est un mujtahid, il est ma'djour, il est récompensé indallah. Amma celui qui suit aveuglément, ou son but c'est, il veut une facilité, quelque chose qui lui permet, qui lui rend plutôt licite ce haram par exemple, hada il n'est pas excusé. Et c'est très très grave indallah subhanahu wa ta'ala. Nahnu en tant que mu'min, on doit s'efforcer à suivre Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre but. Comme قال عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. Et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit essayer de la suivre tant qu'on peut. Coran ou Sunnah. Amma al-hawa, suivre ses passions, fahada al-insan yahdhar, on doit faire très attention. Et parmi nos du'as, et qu'on a cité dans l'explication du premier vers, on doit demander le hidayah, etc. On doit demander hada. Allah, il nous guide et il nous préserve de tomber dans cette voie et suivre ses passions, iyadam billah. Qala, وهذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله مما يلزم المفتي والمستفتي كذلك attention à celui qui répond المفتي c'est celui qui répond المستفتي c'est celui qui pose la question ça va dans les deux sens لأن celui qui pose la question il peut avoir cette نية عيادا بالله الشيخ il a conseillé كذلك المفتي أي il répond pour faciliter aux gens لأن il sait que si il dit telle réponse probablement les gens ils vont le délaisser ou ils vont le critiquer. Enfin, pour satisfaire la masse, pour ne pas se mettre les gens à dos, probablement c'est une chose pour leur faciliter. Comme يفعل علماء الظلال. أما علماء السنة والله الحمد, ils sont loin de ça. أما علماء أهل الظلال, كثير من فتواهم ils sont basés sur ça. تأمل les fatwas de l'Ikhwan المسلمين الظلال. تتعجب أنهم ils autorisent des choses haram que pour ne pas être accusé d'intégrisme, de radicalisme. Ah, là, ils ont un problème dans leur intention. On s'efforce à suivre le haq et nasbir. Et parmi les choses qui vont t'aider à patienter et à suivre cette voie que Cheikh l'Islam il a cité, al-hidayah, et que Cheikh Mohammed nous a expliqué, c'est al-aqidah sahiha. Celui qui a une bonne aqidah sahiha, il fera plus attention aux gens. Pourquoi? Parce que sa croyance, elle le pousse à satisfaire Allah Azza wa Jalla. Si tu veux satisfaire les gens, là, t'as statué. C'est pour ça que l'ulama, ils insistent beaucoup sur le fait d'apprendre l'aqid. Faire des efforts. Et un apprentissage, qawi. Pas mujarrad qira'a. Un jour, on lit une page, le lendemain, on lit plus. Un jour, on écoute un audio, le lendemain, on n'écoute pas. Là, ça, c'est pas une étude. Ça fait l'haqiqa, ka'annahu il goûte. On ne doit pas être des goûteurs, nous, dans l'ilm. Là, tahfaz, si un matin, tu l'apprends par cœur. Tu es régulier dans les cours. Tu révises. Si on te pose une question, tu es capable de répondre. Et tu fais livre après livre, et tu verras la différence. Et à dal hal, tu auras étudié hadith l'aqidah. Mais mujarrad une écoute de quelques minutes ou une lecture de temps en temps, cette aqidah, elle demande des efforts. Beaucoup d'efforts. Hatta elle soit maîtrisée et comprise. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق للجميع. Et le cours prochain, inshallah, on commence le deuxième vers. حياكم الله.